me mènes, où tu m'entraînes, dis, où tu m'entraînes. Je sens, je tombe, dis, je sens, je tombe. Mais que c'est bon, dis, mais que c'est bon. J'ai un peu peur, dis, j'ai un peu peur. Est-ce mon cœur, dit, est-ce mon cœur qui se découvre, dit, qui te découvre, ou bien mon corps qui ne sait plus, qui ne sait plus. Douce, dis, que tu es douce, comme une mousse, dis, comme une mousse, mais que tu trembles, dis, mais que je tremble, c'est pas de froid, dis, non, pas de froid, de toi. T'aimes, dis, comme je t'aime, comme tu m'aimes, dis, comme tu m'aimes. On se découvre, dis, je me découvre, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur de moi.